Todos queremos, lo que no sabemos es que podemos cambiar para bien o para mal el desorden que confunde vidas que no tienen orden. Olvida ese pozo sin salida, pues he mejorado, no saldré mal parado, porque yo ya abandoné ese vado buscando una mejora que ya va siendo hora de dar un giro antes de que caigas del nido. No estás perdido, solo un poco confundido, me alegraría saber que no estoy fluido y no me he ido. Me quedo a reparar este corazón herido, en el papel olvido las lágrimas que he derretido, haciendo temas yo me mido, un poco de respeto es lo que pido para seguir tirando hacia adelante con una condición: vivir el instante. Tu peux te changer, piense lo que piense, tous les jours recommencer, por mucho que me canse, corriger ton passé, si mi alma lo dice, aujourd'hui renaître et oublier, no importa lo que hice. Tu peux te changer, piense lo que piense, tous les jours recommencer, por mucho que me canse, corriger ton passé, si mi alma lo dice, aujourd'hui renaître et oublier, no importa lo que hice. Si t'as commis beaucoup d'erreurs au cours de ta vie, si t'as su reconnaître tes torts et que t'en es conscient aujourd'hui, si t'as demandé pardon de bon cœur, que tu t'es repenti, t'as tenté de réparer tes erreurs, maintenant c'est fini, faut que t'oublies. Si tu te dis que tu pourras jamais changer, t'es en train de gâcher ta vie avec ta culpabilité. Faut que t'arrives à te libérer, car tu seras jamais condamné à être celui que tu as été, car si tu veux tu peux changer. Alors quoi que t'aies fait dans ton passé, arrête de t'accuser, maintenant il faut te corriger, laisse pas l'occasion passer. L'important c'est pas ce que t'as fait, mais c'est ce que tu fais maintenant. L'important c'est pas qui t'étais, mais celui que t'es dorénavant. Si alors qu'il est, t'es conscient d'être dans le mauvais chemin. Si au fond de toi tu ressens que ce que tu fais c'est pas bien, il n'est jamais tard pour changer, car le bon chemin n'est jamais loin. Maintenant que t'as le choix entre tes mains, laisse pas ton bonheur pour demain. Tu peux te changer, c'est lo que piense, tous les jours recommencer, por mucho que me canse, corriger ton passé, si mi alma lo dice, aujourd'hui renaître et oublier, no importa lo que hice. Tu peux te changer, c'est lo que piense, tous les jours recommencer, por mucho que me canse, corriger ton passé, si mi alma lo dice, aujourd'hui renaître et oublier, no importa lo que hice. Mañana dime de ti qué será. De sueños vives, deja de volar. Es hora de pensar y no de abandonar. Et si t'as fini en prison pour avoir fait le gangster, que t'étais un mauvais garçon qui était en manque de repères, maintenant faut que t'en tires des leçons, cette période là elle t'éclaire. Après ce temps de réflexion, tes idées elles soient plus claires. Si t'as été un fils indigne, t'as fait souvent pleurer ta mère, faut que tu changes et que tu sois digne, sois un exemple pour tes petits frères. Si t'as été un père indigne, t'as pensé qu'à tes affaires, aujourd'hui que ça soit pour toi un signe, ces erreurs faut plus les faire. Por tu futuro, por los que te quieren, problemas no convienen, haz algo que te llene, no hay nada que te frene, tan solo sigue recto, haciendo lo correcto. Tu peux te changer, piense lo que piense, tous les jours recommencer, por mucho que me canse, corriger ton passé, si mi alma lo dice, aujourd'hui renaître et oublier, no importa lo que hice. Tu peux te changer, piense lo que piense, tous les jours recommencer, por mucho que me canse, corriger ton passé, si mi alma lo dice, aujourd'hui renaître et oublier, no importa lo que hice. Piense lo que piense, tous les jours recommencer, por mucho que me canse, corriger ton passé, si mi alma lo dice, aujourd'hui renaître et oublier, no importa lo que hice. Tu peux te changer, piense lo que piense, tous les jours recommencer, por mucho que me canse, corriger ton passé, si mi alma lo dice, aujourd'hui renaître et oublier, no importa lo que hice. Todo se ve oscuro, se cierran puertas, ya no eres tan duro, no te das cuenta, es hora de cambiar. Para ti, para mí, tu changer, ouais, a partir d'aujourd'hui.